Alors, le titre de mon intervention est libellé comme suit: Hausse du niveau de la mer et adaptation à la vie continentale des peuples insulaires de la Oukpandaste en Côte d'Ivoire. Alors, le plan de ma communication est élaboré comme suit: contexte problématique, méthodologie, suivi d'une méthodologie, des résultats et d'une discussion bien aventure. Ensuite, d'une conclusion. Notons déjà que pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest, dispose d'une façade maritime de plus de 520 km qui s'étend de l'est à l'ouest, composée d'îles de presqu'îles et partagée entre fleuves, lagunes et mers. Alors, cette zone accueille des populations dites les populations lagunaires, mais précisément dans sa moitié sud-est. Et donc, des études ont montré que la Oukpanda, qui est la zone de notre étude, que vous pouvez voir de l'encadré, est une presqu'île qui appartient à la zone de plage, qu'on appelle les zones de plage sensibles, qu'on a ce qu'on appelle un recul de trait de côte de 1 à 2 mètres par an, selon des études de WHO. D'autres études également soulignent que cette localité est exposée aux fortes érosions marines. Toujours cette même zone qui fait l'objet de notre étude montre que des études antérieures, en 1900, la bande habitable de cette presqu'île, dans le sens à largeur, était de 2 km. En 2014, des mesures faites ont révélé que cette bande est passée de 2 km de largeur à 230 mètres. Alors, donc, vous pouvez voir en rouge, toutes ces zones aujourd'hui a disparu. Ensuite, toujours à partir d'études de Owo et de Pouriné, vous pouvez voir qu'entre 2008 et 2012, le trait de côte a connu encore un recul de moins 11 mètres, soit 1 à 2 mètres par an. Et dans le sens de la longueur de cette presqu'île, de 1900 à 2014, elle a perdu 4,5 km. Et donc, le constat que nous faisons sur cette zone, c'est que l'île connaît une submersion progressive qui est reconnue par les populations à travers des vagues menaçantes. Ces populations soulèvent également un amenuisement des capacités de production, en termes de baisse de l'action de pêche, de production de noix de coco, etc. Ces populations aussi, effectivement, mettent en évidence la question du retirement du cadre de vie. Et donc, nous notons, toujours dans ce même environnement, une destruction du patrimoine des habitants. Alors, comme vous pouvez voir sur la figure, sur la photo 1, le cimetière qui est attaqué, rongé par l'avancée de la mer. La photo du milieu, qui est maintenant qui est la photo 2, une cocotière qui a quasiment disparu. Et ensuite, la dernière photo, la troisième photo, une habitation rattrapée, bien sûr, vidée de ses habitants. Alors, certainement pour le cimetière, on me dira que des questions viendront viendront certainement. Pourquoi est-ce que ces cimetières, parce que le problème se pose, pourquoi avec l'avancée de la mer, les uns et les autres n'exhument pas les corps pour les déplacer? Et notons que en Afrique, on ne dérange pas un mort. Et donc, comme vous le savez, toucher à une tombe, c'est la profaner. Alors, donc face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a décidé la réinstallation de ces populations sur le plateau continental. Et donc, cela a commencé dans les années 70. Sur deux sites principalement. Nous avons le site de Grand Laou, le site de Grand Laou actuel pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, et le site de Brafédon, qui sont des zones situées à plus de 20 km du site originel. Alors, pour nous, déplacer des populations insulaires vers des zones continentales soulève des questions. Alors, comment vont-elles survivre dans ce nouvel environnement? Parce que n'oublions pas que ce rapport de population insulaire à la mer va être quelque peu bouleversé. D'où la question, quelles sont les aptitudes développées par les populations de la Ouganda pour vivre dans ce nouvellement d'accueil? Comme objectif, donc, montrer les différents moyens mis en œuvre par les populations pour vivre sur le plateau continental, et accueillir, bien sûr, à travers ces deux sites que nous avons cités. Alors, pour ce travail, donc, pour analyser notre objet, trois théories ont été approchées. La théorie de l'écologie culturelle qui analyse les usages de la culture par les populations pour s'adapter à leur environnement. Et ensuite, la question du possibilisme environnemental qui définit les choix et stratégies de survie des acteurs. Enfin, le déterminisme environnemental qui pose le problème du conditionnement du milieu. Parce que n'oublions pas, certainement que la suite du débat nous le dira, en méthodologie, donc, pour cette étude qualitative, quatre techniques de collecte ont été utilisées, la recherche documentaire, l'entretien semi-directif avec des focus group, l'observation directe adossée, bien sûr, à l'iconographie, et comme échantillon, notre échantillonnage, choix raisonné ou de convenance auprès des populations avec ce qu'on appelle des critères d'inclusion et d'exclusion, bien sûr. Alors, comme résultat, nous avons deux niveaux de résultats. Alors, le premier résultat, nous l'avons libellé, du site originel au site de réinstallation, une recomposition des pratiques sociales. Alors, dans celle-ci, nous avons l'acquisition de nouvelles aptitudes, imposées bien évidemment par les exigences de la vie continentale. Et dans cela, nous notons des tâtonnements dans le nouveau mode de production dominant, qu'est l'agriculture. Bien sûr, nous savons qu'on ne peut pas passer d'une profession de pêcheur de façon automatique à une profession d'agriculteur sous le champ. Alors, donc du coup, ces populations se retrouvent face à d'autres soucis. Nous passons d'un revenu journalier, qui est parce que la pêche, avec les produits de la pêche, les ventes sont quotidiennes, à un revenu différé, parce que l'agriculture, il faut planter, il faut attendre que ça rentre en production. Alors. Ensuite, pour ces populations, vous avez également la question de la familiarisation avec la propriété privée des espaces de production. Sur l'eau, pour apprêter peut-être l'expression de Harding, les espaces sont communs. C'est-à-dire que je peux pêcher là où tu as pêché hier, où vous avez pêché hier. Mais sur la terre ferme, les espaces sont contingentés. Alors, donc, pour ces populations-là, habituées à vivre dans des espaces plus ou moins de liberté, vont se retrouver sur des espaces plus avec la question du privé va faire son apparition. D'où, bien sûr, les conflits fonciers. Et certainement, pour ceux qui savent, qui connaissent, qui lisent un peu les informations sur la Côte d'Ivoire, ce sont des questions qui sont légion. Alors, nous notons aussi avec ces populations une diversification professionnelle, parce que c'est les populations qui vont chercher à diversifier leurs activités. Alors, le deuxième niveau de résultat est libellé comme suit, d'une vie semi-aquatique, entre parenthèses insulaire, à une vie sur le continent, une déconnexion à la recherche de compensation. Tout simplement parce que l'eau, qui est l'élément d'équilibre pour ces populations qu'on a déplacées, va être au centre de leur action de repère. Elles vont chercher, dans leur modèle d'adaptation, elles vont recourir toujours vers l'eau. Et donc, du coup, sur le site, on voit un reflux de certains membres de la communauté de l'île, sur l'île. C'est-à-dire que des populations qu'on a réinstallées dans la zone dite sécurisée vont revenir dans la zone dite vulnérable. Alors, c'est des choses certainement qu'on en parlera dans les échanges. Alors, nous notons ici également des mouvements de désertion des sites de réinstallation et migration des populations vers des zones littorales, relativement des sites similaires, la raison pour laquelle nous avons intitulé ici. Et donc, par rapport à ça, la remarque que nous faisons, c'est que la réinstallation des populations soulève, du moins se présente deux options. Vivre sur le continent, pour les populations, c'est une forme de survie, parce que elles n'arrivent pas encore véritablement à s'adapter. Et retourner sur l'île de la Haute-Banda, pour l'ensemble des bon nombre de populations que nous avons croisées, c'est retourner à la vie. Alors, cela semble assez paradoxal. D'aucuns me diront, mais comment est-ce qu'une île qui est dans cette situation, comment est-ce que des gens peuvent encore y retourner? Alors, si elles y retournent, comment est-ce qu'elles s'y prennent? Alors, pour ça, nous avons juste fait un encart pour dire, pour vivre, pour retourner et vivre sur cette île qui est en train d'être avalée entre griffes par la mer, des populations ont développé des stratégies. Ces stratégies, vous la voyez là. Vous avez d'un côté des populations qui vont récolter ce qu'on appelle les amakoukiers pour servir et pour les mettre autour des maisons, pour bloquer l'avancée de la mer. Et de l'autre, elles vont mettre en place ce qu'on appelle des maisons mobiles. Donc, qui va leur permettre, au fur et à mesure que la mer avance, d'évoluer. Voilà. Et donc, en discussion, nous disons simplement que l'adaptation des populations de cette localité, la Haute-Banda, sur le plateau continental, ne s'inscrit pas dans la perspective déterministe de la sélection naturelle. Bien sûr, en rapport avec la théorie des mutations génétiques de Darwin. Parce que quand nous avons parlé de cette question, tout de suite, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de populations qui, une fois déplacées, allaient être certainement allaient connaître peut-être des modifications biologiques et autres. Voilà. Cette étude, nécessairement, dans cette perspective, elle analyse plutôt le comportement des populations dans le contexte de l'évolution du niveau de la mer. Cela repose donc sur la quête des stratégies sociales de survie développées par celles-ci pour faire face aux contraintes du nouvel environnement. Et dirais même de l'environnement originel, puisque des populations vont y retourner et développer et mettre en place des stratégies pour continuer à y vivre. Alors, donc, des tâtonnements et des désertions, des migrations qui classent ces comportements, on retient, bien sûr, avec des études de bien-être, que c'est une dynamique adaptative qui vise à atteindre des objectifs, dans des buts et satisfaire des besoins des populations. Et cela, donc, cette réponse, donc, s'analyse, bien sûr, de la perspective possibiliste et de celle de l'écologie culturelle que nous avons énumérée tantôt dans les approches de référence à notre étude. Alors donc, pour nous, l'adaptation des populations de la Haute-Banda à la vie continentale demeure dans un processus de recherche, de conservation du soi et d'équilibre, dans lequel les moyens d'action dont elles disposent demeurent pour l'instant dérisoires à l'échelle du temps. Vous convenez avec moi que la question de l'adaptation ne peut se faire en une dizaine d'années, en une trentaine d'années. Alors, en conclusion, nous disons que face à la hausse du niveau de la mer et de ses conséquences, les populations réinstallées sur le plateau continental restent vulnérables à travers leurs stratégies moins élaborées, bien sûr à l'échelle du phénomène, qui s'avère qui avance plus vite que leur capacité d'adaptation. Disons donc que l'adaptation des dix populations demeure encore loin des exigences de vie de ce nouvel environnement imposé par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que pendant, on a pensé qu'il a suffi de mettre en place un site, de créer des conditions liées à des équipements sociaux et collectifs ou de développement pour que les populations se sentent à l'aise. Alors, pour nous donc, nous disons que face aux effets du changement climatique, les solutions étatiques doivent intégrer les attentes véritables des populations et appuyer également les initiatives locales. Parce que le fait qu'elles y retournent, certainement, soulève des lacunes dans des mesures qui ont été mises en place par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sur cet aspect assez succinct que nous disons merci de votre attention. Je vous remercie.